إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم إن شاء الله سنأخذ مسألتين مع بعض إن شاء الله، المسألة الثالثة والرابعة. Car les deux premières qu'il a fait, c'était les plus longues en explication. Et celles qui vont venir par la suite, Inch'Allah, sont plus courtes. Donc on pourra se permettre de prendre deux, voire trois masaïl dans un même ders. Inch'Allah ta'ala. Et comme on a expliqué déjà, c'est de façon résumée. Tant même. فَقَالَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةِ اِخْتِبَارُهُ مُخَالِفَةً وَلِلْأَمْرُ فَضِيلَةً وَطَاعَتَهُ وَلِنْقِيَادُ لَهُ ذِلَّةً وَمِهَانَةً. Qu'il considère le fait de s'opposer, de se rebeller face au gouverneur comme étant une vertu, comme étant un honneur. Et le fait de lui obéir et de se soumettre à son ordre, cela pourrait être un rabaissement. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى. Là c'est l'auteur dans le matn. قَالَ أن مخالفة ولي الأمر وعدم انقياد له فضيلة والسمع والطاعة له ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغرط في ذلك وأبدى وأعاد. Donc pour eux, s'opposer au gouverneur et ne pas lui obéir est une vertu. Et le fait de lui écouter et de l'écouter et de l'obéir, ça, c'est une chose pour eux qui est rabaissante. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a contredit en cela et a ordonné d'écouter et d'obéir et de faire la nasiha, c'est-à-dire de s'attendre du pouvoir. Il a insisté fortement sur ce point-là. Wa hadhihi al-masa'il al-thalath hiya allati jama'a baynaha fima saha 'anhu fi as-sahih annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يكن خلل في الدين الناس ودنياهم إلا بسبب الخلل في هذه الثلاث أو بعضها. Donc il dit ces trois points, les premiers qu'on a appris, c'est-à-dire l'ikhlas, ainsi que l'union et celle qui suit aujourd'hui, qui est l'obéissance au détenteur du pouvoir, ont été rassemblés dans un même hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah vous agrée trois choses, que vous l'adorez seul, et sans rien lui associer, que vous vous attachiez à sa religion, tous, et que vous ne vous divisez pas, et que vous conseillez ceux à qui Allah a accordé le pouvoir sur vous. Donc la preuve de Shir est finie en disant qu'il n'y a pas eu de défaillance au niveau de la religion des gens ou de leur dunya, ce n'est à cause d'une défaillance dans l'un de ces trois points ou dans certains d'entre eux. Naam. Faqala al-'allama al-Fawzan hafizahullah ta'ala fi sharh min masa'il al-jahiliyyati annahum la yakhda'una li'uli al-amr wa yarawna anna hadha zilla wa ma'siyat al-tayyib wa ma'siyat al-amir يعتبرونها فضيلة وحرية ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير لأنهم لا يخدعون وعندهم أنفة وكبر. Donc parmi les points de la jahiliya, que les gens ne se rabaissent pas devant ceux qui ont le pouvoir sur eux, et ils considèrent cela comme étant un rabaissement, mais une honte, et que pour eux se rebeller contre le gouverneur et le contester, pour eux, cela est une vertu et la liberté. C'est pour ça qu'ils ne peuvent s'unir derrière un seul imam, qu'ils ne peuvent être unis derrière un seul commandeur, car eux ne peuvent s'y soumettre à cause de leur orgueil et de leur obstination. Enfin, donc l'islam est venu avec l'opposé de ce point de la jahiliya, et qui est là ordonné d'écouter, d'obéir aux détenteurs du pouvoir. Pour tout ce que cela contient comme bienfait, comme avantage et comme intérêt pour la communauté. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et au détenteur du pouvoir. فأمر بطاعة ولاة الأمور والرسول حدد ذلك في الفعل المعصية. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك في غير المعصية فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc Allah a ordonné d'obéir au gouverneur. Et là, on précise les gouverneurs des musulmans. Comme on dit dans l'aïa, « Wa ouli l'amr minkum » C'est-à-dire, « aux détenteurs du pouvoir parmi vous » C'est-à-dire des croyants, des musulmans. Donc Allah nous a ordonné cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a limité cette obéissance au gouverneur dans tout ce qui ne contient pas de désobéissance, une transgression à la religion. Parce qu'il a dit, pas d'obéissance à la créature, d'accord ? Pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Wa qala, innama ta'a fil ma'ruf. Comme akhraj al-Bukhari. Que la désobéissance n'est que dans ce qui est convenable. Donc il est obligatoire d'obéir au gouverneur, tant que cela n'amène pas à une transgression. Et si jamais cela amène à une transgression, alors pas d'obéissance. Sans pour autant avoir à transgresser tous les autres points. Juste, on ne l'obéit pas sur ce point-là précisément. D'accord ? Précisément. فَقَالْ وَلَا يُخَالَفْ مَدَامَ أَنَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ لِمَّا فِي طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ أَوْ وَلَاةِ الْأُمُورِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَحَقًا الدِّمَاءِ واستتباب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق لأصحابها والحكم بين الناس بالعدل. Donc il dit qu'on ne s'oppose pas au gouverneur tant qu'il est sur l'islam. D'accord ? Car cette obéissance amène plusieurs avantages. Parmi eux, que cela unit les musulmans sur une seule parole. Cela préserve les sangs et les biens. Cela préserve la sécurité. Cela amène à ce que celui qui est soit lésé puisse recevoir son droit. Et ainsi de suite. Et cela amène à la justice envers les hommes. Et ce que des gens disent, nous, avec des gouverneurs, on ne voit pas cela. On dit, tu le verras plus avec eux que sans eux, de toute façon. Leur présence amènera plus de justice que leur absence. Ça, c'est un fait indéniable. Donc il dit, même si le gouverneur n'était pas une personne droite dans sa religion, حَتَّى وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَلَمْ يَصِلِ الْكُفْرِ كَمَا قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانًا. Donc tant qu'il est musulman, on doit lui obéir, même si c'est un fasiq, un pervers, et que sa perversion ne l'amène pas au kufr, on doit lui obéir. Comme dans le hadith, rapporté muttafaqun alayhi, قال النبي صلى الله عليه وسلم écoutez, obéissez, tant que vous ne voyez pas une mécréance claire dont vous avez une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention à ce hadith qui a été mal compris par beaucoup, qui eux, déjà n'arrivent pas à différencier entre Al-Kufr Akbar ou Al-Kufr Asghar, quand même, et n'arrivent pas à revenir aux gens de science dans l'état facile, les détails sur ces questions-là. Quand est-ce que la personne, elle a mécru, quand est-ce qu'elle n'a pas mécru. Ils font le takfir à la tôt, ils disent qu'il a fait ce gouverneur Fulani, c'est de la mécréance, il a mécru, il ne mérite plus l'obéissance. Et il juge comme ça par ignorance. Et le takfir, c'est un bab qui est khatir jiddan, jiddan jiddan. D'accord ? Donc ne pas se précipiter à rendre les gens mécréants comme ça, et revenir au ulama. Et surtout, en ce qui touche au gouverneur. Après, il dit que certains, parmi les a'immah, ils ont dit quoi ? قال إن فلانا lorsqu'il a été interrogé, un des imams, il ne cite pas son nom, il ne dit pas qui il est, mais il cite comme ça là, à la bab al-zikr, il dit إن فلانا فاسق لكنه قوي وإن فلانا صالح لكنه ضعيف أيهما أصلح للولاية؟ قال الفاسق القوي لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين أما هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يدور المسلمين. Donc, il fut interrogé, un des imams, en disant, un tel, en parlant de gouverneur, c'est un pervers, cependant il est fort. C'est-à-dire, il a une autorité. Et l'autre, il est pieux, cependant il est faible. Donc il dit, lequel convient le mieux à être gouverneur? Il dit, le pervers qui est fort. Pourquoi? Car sa perversion n'est contre lui-même, sa propre personne. Alors que sa force sera pour les musulmans, son autorité sera pour les musulmans. Alors que celui qui est pieux, sa piété ne revient que pour lui et sa faiblesse nuire aux musulmans. Naam. Ça, c'est un calame de Shir al-Islam, Taïmiya. Dans lequel il dit que chaque chose doit être mise à sa place. Et que celui qui a une force dans la gérance, par exemple, d'un État, dans la politique, d'accord, même s'il a des transgressions qui n'amènent pas à la mécréance, celui-là sera plus apte de gouverner les musulmans que un qui sera pieux, mais qui n'aura une force de caractère, qui ne sera pas fort, qui ne sera pas autoritaire, qui saura s'imposer sur le peuple. Car lui va amener à ce que le peuple se raffaiblira. Il va amener à ce que le peuple se raffaiblisse. Également, pareil pour le Coran. Demain, un homme peut être très savant, par exemple, et un deuxième, le Coran, il le récite mieux. Il a un meilleur tajwid. Il est le plus mutqin dans le hifz. Eh bien, il dit, c'est celui-là qu'on mettra en imam, plutôt que le savant. Pourquoi? Car lui, il a une faculté à pouvoir faire une chose qui revient à cette fonction, c'est-à-dire d'être imam. D'être imam. Azahu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك كما أخرج مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم il a dit quoi? Obéis, c'est-à-dire au gouverneur, même si tu prends tes biens et qu'il venait te frapper. Obéis-lui quand même. ثم قال الشيخ لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها. Car dans le fait de lui obéir, il y a plus d'avantages à en tirer, d'accord, que le mal qu'il pourrait faire. C'est-à-dire le mal que pourrait faire ce gouverneur pour sa perversion ou son manque de droiture, ce mal est moindre que le bien qui serait apporté en lui obéissant. Pourquoi? Car le fait de sortir contre lui, de se rebeller contre lui, amène à plus de dégâts, plus de représailles. Pourquoi? Car ce khuruj, ça amène à ce que le sang coule, ça amène à des morts, ça amène à des dégâts matériels, ça amène à diviser les rangs. Toutes ces choses que l'islam a combattues. Car les vies sont préservées, les biens sont préservés, et l'union doit être faite. La sortie contre le gouverneur amène à trop de dégâts. Et quand bien même ce gouverneur serait un kafir, les ulama, ils ont émis des conditions pour sortir contre lui. D'accord, il y a des conditions qui ont été mises. Que déjà, cela n'amène pas à ce que les musulmans s'entretuent. Qu'il faut qu'il y ait déjà un remplaçant. Et il faut que le peuple soit en mesure de le faire avec le moindre dégât possible. Car même si c'est un kafir, il a la force avec lui. Et si demain, les musulmans venaient à sortir contre lui, cela amènera à des dégâts pas possibles. Et le grand exemple qu'on a à cette époque, la Syrie. Bachar, c'est un kafir. Mais le peuple sorti contre lui n'avait pas la coudra. Et résultat, des années de guerre. Combien de morts? Par millions, il se compte. Combien d'expatriés? Par millions, il se compte. Combien de dégâts ont été faits? Par millions et milliards, il se compte. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui combattent contre Bachar, comment sont-ils? Divisés. Exactement ce en quoi mettent en garde les savants. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. C'est la foule, c'est le Hamas, il faut faire tomber le gouverneur. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui va assumer tout ce qui passe derrière? Qui? Ce sont les musulmans. C'est le peuple qui va subir les conséquences. Malheureusement. Donc comme la règle le dit dans l'Usul al-Fiqh, repousser un mal est meilleur qu'apporter un bien. D'accord? Donc, et le mal qui découle du khuruj sur les hukam, a'azam wa a'azam wa a'azam, min bimaslahat tabdilihi. Que sortir contre lui amène à de bien plus grands maux que de le changer par quelqu'un de meilleur, quand on n'a pas la possibilité. Donc après, le Shir reprend en disant que justement l'auteur, rahimahou ta'ala, dit bien que ces trois points, les trois premières masailles qu'on a appris, si jamais il y a une défaillance au niveau de ces trois points-là, il y aura une défaillance au niveau de la religion, de la dunya, d'accord, des musulmans. Quel est-il ? Le shirk. Si le shirk n'est pas combattu, il en découlera une défaillance énorme sur terre, qui est la plus grande injustice. Si les musulmans sont divisés, on en subira également des grandes, graves conséquences. On sera affaibli. Et si jamais on sort contre les gouverneurs, ça sera la même chose. Si on n'obéit pas à ceux qui ont autorité sur nous, à qui va-t-on obéir? Car leur obéir, ce n'est pas pour nous en soi qu'on le fait, c'est parce que Allah nous a ordonné de le faire. Donc c'est une ibadah. Et leur obéir revient obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur désobéir revient désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui dit, moi je suis croyant, kaza kaza, je fais ma salat, je fais mon siyam, mais je sors contre le gouverneur, on dira, tu fais salat pour Allah, tu fais ton qiyam pour Allah, tu fais ton siyam pour Allah, tu fais ton hajj pour Allah, et ben tu dois obéir au gouverneur pour Allah également. C'est le même Seigneur qui t'a ordonné ces choses-là, que tu accomplis quotidiennement, ou annuellement, ou mensuellement, ou je ne sais quand. C'est le même qui t'a ordonné d'obéir au gouverneur. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, on revient à ce point de khuruj contre les hukam. C'est une masa'il, une mas'ala qui vient des mas'ales de la jahiliya. Regardez par exemple la France, leur fierté de leur révolution française qu'ils ont fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils en sont fiers. C'est des gens de la jahiliya. Par quoi? Parce qu'ils ne sont pas sur l'islam. Les gens de la mécréance. Est-ce qu'ils sont sincères dans leur envers Allah? Ils ne sont pas. Est-ce qu'ils sont unis? Ils sont divisés. Et malgré l'apparent que le pays est organisé, regardez intérieurement comment ça se passe. Pas de sécurité, pas de paix, pas d'apaisement, tout le temps en train de faire des grèves, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de faire des manifestations, tout le temps en train de faire ceci, ceci, cela. Jamais content. Et tous les 5 ans, ou 7 ans plutôt, allez, on vote, il n'y a pas un président qui fait de contrats d'affilée. Tout le temps, il y a des problèmes. Quand bien même il serait le plus soucieux des présidents envers son peuple, ils ne seront jamais contents. Ils ne seront jamais contents. Et 5 ans après, ou 7 ans après plutôt, on vote pour un nouveau. Et ainsi de suite. Voilà, azbillah. Donc ça, c'était al-mas'ala thalitha. Thumma qala al-mas'alatu al-rabi'a. Huwa taqlid al-a'ma. Donc le quatrième point des masaïl de la jahiliya, c'est le suivi aveugle et ses conséquences. Ma huwa at-taqlid awalan, at-taqlid huwa ittikhadh qawl man laysa bi hujja, hujja bidun hujja. C'est le fait de rendre la parole d'une personne comme étant un argument, une personne qui elle-même en soi n'est pas un argument, et d'agir de la sorte sans argument. Donc ce qu'il dit et ce qu'il fait, sans preuve, on l'applique et on le suit. Taqlid al-a'ma. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Inna dinahum mabni ala usul. A'zamuha at-taqlid fa huwa al-qa'idatu al-kubra li jami' al-kuffar. Donc il dit que leur religion des mécréants est basé sur des fondements. Et le plus grand de leurs fondements, c'est le taqlid, le suivi aveugle, qui est la règle majeure chez les kuffars. Awwaluhum wa akhiruhum. Les premiers comme les derniers. Qala ta'ala, كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dans le sens où Allah dit, et nous n'avons, et c'est comme cela que nous n'avons envoyé de messagers avant toi dans une contrée, ni d'avertisseurs, sans que ces gens aisés ne disent, nous avons certes trouvé nos pères sur une religion, alors nous le suivons. Encore la ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Et s'il leur est dit, suivez ce que Allah a fait descendre, ils diront, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Et si jamais c'était Shaitan qui les appelait vers le feu de l'enfer. Fatahum bi qawlihi. Qul innama a'idhukum bi wahidatin an takumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Donc il a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit aux gens, dit, je ne vous ai cependant ordonné, ou je ne vous exhorte qu'à une seule chose, que vous vous leviez pour Allah, soit en groupe ou soit individuellement, et ensuite réfléchissez, que votre partenaire, c'est-à-dire en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas atteint de folie. Il n'est pas atteint de folie. Wa qulu ta'ala, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Et ce n'est que peu que vous rappelez. فقال العلامة الفوزان في الشرح من هذه الفقرة. Donc là, l'explication de cette parole-là. قال من مسائل الجاهلية أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها على أصول أحدثوها هم من عند أنفسهم. Donc parmi les points de la Jahiliya, que eux n'ont pas bâti leur religion sur ce quoi sont venus avec les messagers alayhim salat wa salam, et cependant ils basent leur religion sur des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et ils ne veulent pas accepter d'en changer. Et parmi ces choses-là, le taqlid, le suivi aveugle. Yuqallidu ba'duhum ba'dan, qu'ils s'imitent les uns les autres. Wa in kana al-muqallad la yaslah li qudwa. Et que quand bien même celui qui serait suivi ne soit pas une personne méritant d'être un meneur. Quand le subhanahu wa ta'ala, après le verset dans le matn, que dans le sens où il dit que nous avons envoyé avant toi de messagers ou d'avertisseurs sans que les gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos pères sur une religion, donc nous les suivons. Donc ces gens aisés, la base chez eux, c'est qu'ils sont les gens du mal et qui n'acceptent pas la vérité venant des faibles et des pauvres. Car ces gens-là, souvent, sont des gens d'orgueil, de kibr. Haoula mutakabbirun, ils se voient meilleurs que les autres. Donc lorsque la vérité leur vient d'un plus faible, ils n'acceptent pas. Et ça va venir également parmi les masaïls de la jahiliya par la suite. Que lorsque la parole vient d'un plus faible, ils n'acceptent pas. Par contre, les pauvres, eux, sont souvent des gens amenés à accepter la vérité et plus humbles et plus sincères. Et d'ailleurs, dans le hadith rapporté par Abu Sufyan, radiallahu anhu, lorsqu'il était devant Héracle, le chef de Rome, lorsqu'il a décrit les gens qui le suivaient, il a dit, man yatba'uhum, al-aqwiya aw ad-da'afa. Qui est-ce qui le suit le plus, les faibles ou les forts? Il a dit les faibles. Car les faibles, justement, sont plus humbles. Ils sont plus amenés à accepter la vérité que les gens à la base forts. Mais c'est pas dans l'absolu. C'est une chose qui est répandue, qui est fréquente, mais ce n'est pas dans l'absolu. Des fois, tu vas trouver un pauvre qui est orgueilleux et tu vas trouver un riche qui est humble. Donc ces gens-là, riches, qui ont un haut rang, également s'imaginent avoir obtenu ces richesses de par leur lignée ou ce genre de choses. Donc ils disent, vu qu'ils s'imaginent être sur le bien, ils se disent, on reste ce qu'on est pour ne pas perdre ce que nous avons comme avantage. Et que pour eux, leurs ancêtres étaient sur la vérité, donc ils les suivent. Nous, comme ces gens prétendent, n'avons pas besoin de messagers. Ce que nous avons nous suffit. Donc de là, ils délaissent le suivi des messagers. Donc là, ça fait partie de quoi? Du taqlid a'ma, qui fait partie de la jahiliya. Par contre, en ce qui concerne le fait de suivre les gens de bien, ça s'appelle pas le taqlid, ça s'appelle ittiba. Ça s'appelle le suivi. Ce n'est pas un mot qui s'emploie pour les gens de bien. Comme a dit Ta'ala à Yusuf alayhi salam, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ma kana lana an nushrika billahi min shay." Il dit quoi Yusuf alayhi salam? Il dit et j'ai suivi la religion de mes pères Ibrahim, Ishaq et Yaqub, Et il ne nous revenait pas d'associer quoi que ce soit à Allah. Donc il n'a pas dit qallattuhum, je les ai imités, il a dit je les ai suivis. Donc on est à والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc les premiers, les précédents, les premiers parmi les muhajirin ou l'ansar, et ceux qu'ils ont suivis, bi'ihsan. Donc il dit bien suivi, pas qalladouhum. Ils les ont suivis. Et justement, Allah dit quoi par rapport à la jahiliya? Il dit, وَذِيَقِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَا قَلَيْ قَلِّدُوا. Mais quand ils ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Donc il dit, si jamais il aurait dit, suivez ce qui est descendu de votre Seigneur, ils diront, nous suivons ce que nous avons trouvé nos pères. Et là, dans le sens du verset, il est nattabi'u, mais le mana, c'est nous kallidu, parce qu'ils prennent en argument ce qui n'est pas un argument, sans argument. Donc ça, dans le taqlid. Alors que suivent les gens du bien, leurs actes sont des arguments. Notre argument, c'est lequel? C'est le Coran que Allah nous dit de le suivre. Voyez? Donc là, ce n'est plus du taqlid, c'est ittiba. Yusama bi ittiba. Donc dans le verset, Allah les appelle à quoi? Qala azza wa jal, an takumu lillah masna wa furada. C'est-à-dire, levez-vous en groupe ou individuellement. Voyez, quand vous mettez en groupe, vous vous rappelez les uns les autres. Vous parlez de Mohammed. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Et là, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas fou. Et si jamais vous vous levez tout seul, cela vous amène à ne pas vous faire influencer par les autres, donc à réfléchir et vous remettre en question. Qui est Mohammed? Et qu'il n'est pas fou. Wa antakumu lillah, que vous leviez sincèrement pour Allah. C'est-à-dire, tu vas réfléchir, tu vas méditer sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en groupe ou individuellement. Et si tu es sincère dans cette réflexion, Inch'Allah, on espère en trouver un résultat favorable. Donc ce taqlid, que l'on trouve également aujourd'hui dans la communauté, toujours, et le taqlid, il a plein de domaines différents. Là, il parle par rapport aux kuffars qui eux suivent leurs ancêtres, mathalène. Et chez des muslims, on le trouve. Des gens, ils suivent leurs ancêtres. On le dit, Yahri, fais pas comme ça. Il va dire, non, mon père m'a appris comme ça. Ou chez nous, c'est comme ça. Et il rentre dans quoi? Dans le taqlid arma. Et ça, c'est parmi le monde de Jahiliya. Pareillement avec le mashayikh. Quelqu'un, il va prendre un savant, ou un shaykh en particulier. Il va dire, shaykh, il a dit, je fais comme ça, donc je fais comme ça. On dit, Yahri, shaykh, ça se trouve, il a fait un ijtihad. Il peut s'être trompé. Là, on te porte un dalil. Il dit, non. Moi, je fais comme shaykh, il a dit. Il rentre dans quoi? Taqlid arma. Et même si tu ne le dis pas clairement avec sa langue, d'accord, par ses actes, tu vas en déduire qu'il est mukallid. Pourquoi? Il aura un call d'un shaykh, par exemple, et à côté, toi, tu le portes un hadith ou un verset. Il va délaisser le hadith ou le verset pour prendre le call du shaykh. Ou il va délaisser les règles établies par le kitab ou la sunna pour prendre la parole du shaykh. Ça s'appelle comment ça? Taqlid. C'est, comme on dit, une autre forme, mais c'est un même fond. Une fois de plus. Donc le taqlid, ceux qui font le taqlid de leur savant, ou de leur père, ou de leur pays, ou de je ne sais quoi, ça c'est parmi les points de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y est opposé. Il nous a ordonné, d'accord, ou plutôt Allah nous a ordonné de lui obéir à lui et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le Coran, de prendre la sunna. Et toute personne dont les paroles et les actes seront conformes, on suit. Nattabia. C'est pas nos collides, c'est nattabia. On suit. Il n'y a aucun mal à ce que demain un ami, s'il demande une fatwa à un savant, il dit shir, ma hukm kada fi masalat kada, et shir yakul masalan yajouz, ou ma yajouz, ou makrouh, ou mustahab, ou la besabi, ou kada wa kada. Il dit shir, ma dalil à hada. Il demande le dalil. Que soit un ami, que soit un talib al-him, personne n'est privé de demander un dalil. Tu demandes c'est quoi le dalil? Et ce n'est pas une offense envers le savant de dire c'est quoi le dalil. On demande cela. Quand les gens disent, parce qu'il y a des gens, ils disent que quand tu demandes un dalil à un shir, c'est une offense envers lui. C'est-à-dire, ça remet sa science en condition. On dit non. Pas du tout.